son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mississini, au numéro de téléphone 418-276-9383. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler du UFC, dans les arts martiaux mix avec notre ami Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. Claude, qu'est-ce que tu retiens de l'année 2019 en arts martiaux mix? Ah, il y a eu plusieurs petites choses. Là. C'est une grosse année, c'est pas une grosse année, c'est un peu embêtant. Hein? Mais on a eu quand même des nouveaux champions, dont Adonisia, qui est à 185 livres. Ça, okay. Je pense que ça va à peine d'en parler. Le gars qui... On dit que c'est la prochaine grande vedette du UFC, celui-là, hein? Oui, mettons qu'ils vont mettre beaucoup, beaucoup de marketing dessus parce que, il ne faut pas se le cacher, là, on est à l'ère de l'entertainment aussi. Ouais. Là, c'est pas juste du sport, il faut donner un show. Puis Adonisia, il est bon, il a une grande trappe. Puis il fait un job, puis il est excellent dans l'octogone. Donc, oui, il y a tout pour... Puis en plus, il vient d'un pays, il vient de l'Australie, Nouvelle-Zélande, okay. Dans tout ça. Fait qu'il est capable de rallier les deux pays en arrière de lui. Il fait des gros pay-per-view. Fait que, tu sais, pour le UFC, eux autres, ils regardent tout ça, hein. Fait que ouais. Oui, c'est un excellent candidat, comme tu le dis, là, pour, dans le futur, ça va être une de les grosses vedettes, certains. Ça, c'est okay, sûr. OK, OK. Il y a eu aussi plusieurs autres aussi qui sont devenus champions, là. Oui, oui, ben, on a eu aussi, ben, une des choses marquantes de l'année, c'est la ceinture qu'ils ont inventée, la BMF, là, le Baddest Motherfucker. Ils ont fait ce titre-là pour le combat de Masvidal, la visite, le retour de Nate Diaz, que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas vu combattre. Donc, il y a eu tout un build-up autour de ça. C'était particulier. Je pense qu'il y a du bon gros coup de marketing de l'année. Okay. Faut pas oublier que Masvidal, lui, il venait de battre Ben Askren. Ben Askren, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est un lutteur qui a lutté au niveau olympique aux États-Unis, un gars de haut calibre. Mm. Il avait gagné partout dans les autres ligues. Puis il est arrivé dans l'UFC, ça a été un petit peu plus dur, mais il a fait des excellents combats. Donc le premier coup de genou, là, qui est probablement le chaos de l'année, si on veut, là, dans l'UFC en 2019, là, c'est le fameux coup de genou sauté là, qu'avait donné Masvidal à Askren. Okay. C'est pas ça, mais ça, c'est pas mal le fait saillant au point de vue KO, puis en même temps la ceinture, tout ce qui tournait autour de ça, c'était le fun, ça. OK, OK. Khabib aussi, qui a continué son bon travail, Khabib. Ben oui, Khabib veut dire... on n'a pas grand-chose à dire dessus. Khabib, il dit qu'il lui reste à peu près... Il lui reste 2-3 combats, il n'est pas trop sûr, il n'est pas trop stressé. Il cherche les gros combats aussi. On sait qu'on entend parler, là, justement, si on parle un petit peu des rumeurs sur Georges, ça, c'est une rumeur qu'on a entendu beaucoup en 2019. Un catchweight entre les deux à 165 livres ou quelque chose comme ça, peu importe le poids. GSP avait l'air très enclin à le faire, puis Khabib aussi, mais le UFC, eux autres, du point de vue du marketing, ils aiment aimé ça. On verra, mais ça, oui. Écoute, en 2019, Khabib, il s'est battu contre Justin Poirier, qui avait donné quand même une bonne opposition, mais on a vu, c'est qui le meilleur à ce niveau-là. Là. OK. Dis-moi, du côté de Conor McGregor, lui, il a fait un fou de lui cette année-là. Ouais, ça n'a pas été sa meilleure année du point de vue marketing. Il callait out tout le monde après chaque gala. T'entendais Conor aller sur les médias sociaux pour callait out tout le monde. Puis il n'est pas prêt à revenir tout de suite. Après, il y a eu sa niaiserie quand il a sacré un coup de poing à un bonhomme. Ça, c'était épouvantable, ça. Ça, c'était pas fort. C'est pas été sa meilleure. D'ailleurs, sa cote de popularité a baissé beaucoup au niveau des amateurs dans le MMA. Puis se sont tannés d'entendre parler. Puis là, je pense qu'on est plus rendu au point, ferme ta gueule, puis viens te battre, là. Tu sais, fais ce que t'as à faire, mais là, on est tannés d'entendre parler de tes niaiseries, tu comprends? Mais quand même, c'est tout qu'un combattant. Puis là, il a signé, pour un combat retour bientôt. Ça va être super intéressant aussi, ce combat-là. Puis d'un autre côté, dans le genre grand gueule, on avait aussi Kobe Covington. Je sais pas si vous avez écouté le dernier UFC. Kobe qui s'est donné complètement une personne. Il fait comme vraiment la lutte WWF. Il s'est donné un personnage de mauvais. Puis là, il dit à peu près n'importe quoi là, pour donner un show. Ça reste quand même un très, très bon combattant. On a vu justement Kamaru Usman réussir à dominer puis à le battre là, à toute fin du combat. C'était un combat qui était très, très serré. Donc, on a eu c'est un beau combat-là en fin d'année aussi chez les 170 livres. Donc, c'était une belle année. Mais rien de Jésus. On pourrait dire rien d'extraordinaire. Moi, je trouve que celui qui est le plus perdant cette année qu'on entend. Il a fait quand même un bon combat, c'est John Jones. Oui, John Jones, oui. John Jones, son problème, c'est qu'il a fait le ménage autour. Tu comprends-tu l'idée un peu? À 205, là, on cherche un peu. Donc, ça, c'est plate. Il fait penser un peu à Roy Jones dans ses belles années, là. Roy Jones, il n'y avait plus personne pour lui. Il était très bon, mais là, tu ne savais pas trop contre qui te faire battre. Ça fait un peu ça avec John Jones. Il est victime un peu de ça aussi, je trouve. Tandis qu'il y a des autres catégories, on a des beaux combats intéressants qui vont s'emmener dans toutes les catégories. Autant chez les gars que les femmes, les champions, là, ils ont des beaux challenges, tu sais. Sauf John Jones qui lui a. Fait que c'est peut-être le temps qu'il monte une catégorie ou quelque chose comme ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec, mais c'est un peu mon point d'interrogation. Nos Québécois qui se sont battus au moment où on enregistre le podcast, ça s'est fait samedi, t'as eu Barrio qui a gagné et Jourdain qui a perdu. Non, c'est le contraire. Écoute, présentement dans l'UFC, on n'a pas beaucoup de Québécois. On a les deux autonomes, c'est-à-dire Jourdain, on a Barrio, on a aussi Olivier Aubin-Mercier. Après ça, là, je ne suis pas certain si on en a d'autres vraiment. Il y en a un qui a été signé par TKO, qui appartenait à TKO, là, qui on dit qu'il y a beaucoup de bien un poids lourd. Oui, c'est Cyril Gagné, mais ça, c'est un Français. OK. C'est un Québécois, mais il était là aussi, il a gagné justement en fin de semaine. Ça a bien été aussi. Il a fait les trois rondes. Là, je pense que c'est la première fois que ça y arrive. Écoute, Barrio, il y a trois combats de fait, puis trois combats à peu près identiques aux combats qu'il a fait en fin de semaine. Donc, moi, je pense que ça regarde mal pour Marc-André. Au niveau du UFC, après ça, je pense qu'il avait l'air motivé. Il va continuer. Il va peut-être aller continuer sa carrière ailleurs, aller se redonner confiance pour revenir plus fort après. Jourdain, on a vu, il y a eu un chaos spectaculaire, puis un combat spectaculaire contre un gars qui était très bien ranké. Un gars que ça faisait 2 ans qu'il n'était pas battu parce qu'il avait fait son service militaire, mais quand même, c'était un gars qui travaillait. Il y avait beaucoup de hip autour de lui. Puis Jourdain a donné tout qu'un combat. Ça fait que là, comme disait, ça dit pas de côté, toute la planète connaît Jourdain maintenant. Ils savent c'est qui. Puis il donne des combats spectaculaires. Ça fait que ça, c'est bon pour sa carrière. Ouais. Puis après ça, il reste Aubin Mercier. Il a perdu l'autre fois. Son style, puis tout, je pense que Aubin Mercier, ça va pas mal être terminé pour le UFC aussi, je pense. Ouais, et puis il y a Rory McDonald qui est allé d'une association que je connais pas du tout. Ouais. C'est PNR, je connais Bellator, je connais UFC, mais cette association-là, je ne la connais pas tout. Il y a le BFL, mais un peu tout PFL. Ouais. Je ne sais pas, Rory, il est weird un peu. Là, il a découvert Dieu, je pense, depuis un an ou deux. Il est là-dedans à temps plein. Là. Des affaires, des bons dieuseries, puis c'est pas de farce. Fait que ça fait, oui, il fait des drôles de patates. Fait que là, moi, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire dessus, mais mettons que il est spécial un peu. Oui, effectivement. Claude, tu peux on va aller à la pause et je veux savoir ce que tu prévois pour 2020. Je vais te l'écoute de la rétrospective des arts martiaux mixtes sur les ondes d'AnRadioSport.com. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Hamel, Saint-Félicien 88-679-41-94. Je tombe. Les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 Boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. BR Metal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Metal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Metal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Le personnel et la direction de la société Sylvicole désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Il vous incite à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-80. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets, ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Claude, on est de retour avec Claude Perron. Claude, l'année 2020, ça commence en force le 18 janvier. Cowboy Cerrone contre Conor McGregor, ça va être très très bon ça. Moi, je vois, ça va être un bon combat ça. Ben, mais hein, c'est sûr que ça va être un bon combat. C'est le retour de Conor McGregor. Ouais. Bon, il va combattre, on sait, Cowboy, qui est un des gars qui a eu le plus de Fight of the Night dans l'histoire de l'UFC. C'est un très bon combattant, 155, 170 livres, aucun problème. Donc, c'est le style parfait pour Conor McGregor. On se le cachera pas, là. Il est taillé sur mesure pour lui. C'est un gars qui va préférer à rester debout. Puis faire un combat, tu sais, un bon combat de coups. Puis McGregor, on sait que c'est sa spécialité. Il a un style un petit peu karaté, il est un petit peu un orthodoxe. Donc, je pense que. Puis Cerrone, il a une bonne lutte, mais c'est pas. Puis il a un bon sol, mais c'est pas viré fou non plus. Fait que je pense qu'il est taillé sur mesure pour Conor. Mais bon, il va vous donner un super combat, ça c'est sûr. Plus, on va avoir Anthony Pettis aussi. Anthony Pettis aussi, c'est un autre que je connais aussi. Là. Oui, oui. Il y a une belle petite carte à tout de suite en rentrant. Puis comme tantôt, tu me demandais, bon, qu'est-ce qui va se passer pour 2020? Ben, c'est ça. C'est à part John Jones, de tous les champions, là, ils vont avoir des beaux défis. Peut-être Amanda Nunes, là, bon. Ouais. Il va commencer à manquer de monde, elle aussi, je pense, là, okay. Bientôt. Par contre, il y a la petite nouvelle, la petite chinoise qui a gagné il n'y a pas longtemps, à 115 livres, là, Zhang Weili. C'est assez spectaculaire. Il va avoir plusieurs bons petits combats pour elle aussi. La flyweight, Valentina Shevchenko, une couple de bons combats, aussi peut-être à monter encore une fois, essayer d'aller chercher Amanda Nunes. On sait qu'ils ont déjà deux combats de fait ensemble. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Ça va donner des combats intéressants. Ça, c'est plus chez les femmes. Chez les hommes, on verra, mais comme je t'ai dit, à part John Jones, tout le monde a des beaux défis. Il y a des ceintures qui viennent de changer de main. Alexander Volansky, il ne faut pas l'oublier, il vient de gagner. Et après ça, on voit Segudo qui est encore champion dans deux catégories à 125-135. Par contre, il n'y a plus beaucoup de monde à 125. On va voir ce qui va se passer à ce niveau-là aussi. Non, il y a les gros bonhommes qui est stipé, qui est redevenu champion. Ça, c'est intéressant. C'est pas battu là, depuis un bout, mais cette année, on devrait avoir de quoi intéressant de ce côté-là aussi. Ouais. Donc, à suivre également. Y a-tu un... Écoute, l'avenir de TKO aussi, je veux t'en parler, semble-t-il que c'est très nébuleux cet avenir-là. Est-ce que tu penses que TKO est en danger? Je voulais pas te pogner, Claude. Je voulais pas te pogner. Non. Non, mais c'est parce que c'est dur faire du MMA au Québec. Ouais. Mais ils ont Ouais, mais ce que je comprends pas, ils avaient des bonnes distances. Autant que la boxe, sinon plus. Ouais, mais ça coûte cher en tabarouette, ça, des gars-là. Ouais, mais la boxe, ça coûte cher aussi. Oui, mais là, je sais pas c'est quoi que la boxe, ils ont le meilleur recette. C'est pas des gros gars-là non plus. Fait ils ont la télé à payage que l'autre n'a pas, par exemple. C'est tout ça que ça peut jouer. Ouais, puis il fait peut-être tout des gros gars-là dans des grosses places, je sais pas. Écoute, Stéphane, là, il connaît ça, ça fait longtemps qu'il vire là-dedans. Ça a recommencé sur le coup. Tu sais, moi, j'ai combattu pour lui aussi, mais sous d'autres noms, ça s'appelait PTKO dans ce temps-là, c'était autre chose. Puis ça fait 2-3 fois que ça repart. Il y a une couple de ligues qui se sont réessayées aussi. C'est difficile. Je sais pas c'est quoi le secret, mais surtout que cette heure-là, il y en a partout, hein, du MMA. Ouais. Mais pour préparer la relève, à quelque part, c'est plate parce que t'es KO aussi. Ouais, mais la relève, là, c'est bien plus le problème. On a bien plus un problème au niveau amateur là, au Québec, là, okay. Au niveau professionnel. Ben, c'est sûr le problème, il est là. Ouais. Tu peux pas aller jouer en Ligue nationale si t'as pas de junior majeur. Là, présentement, c'est à peu près ça. Il y a de l'amateur, mais c'est mal structuré. Puis bon, le gouvernement niaise parce qu'ils veulent pas refaire une nouvelle fédération parce qu'une nouvelle fédération, ça coûte de l'argent. Là, ils veulent nous associer avec d'autres, puis les autres veulent pas. Il y a du mal, j'ai hâte que ça se règle tout ça, puis bon, on va voir qu'est-ce que ça va nous dire, mais on a bien plus gros problème amateur que professionnel. Puis fais des galas, comme je te disais, professionnel, les gens ils peuvent en regarder partout en streaming. Le monde, des fois, aller se déplacer dans un aréna pour aller voir du MMA, ben, puis c'est peut-être moins à mode que c'était là, 10-15 ans quand le sport était. Ouais. Puis c'est comme dans n'importe quoi, dans tous les sports, il y a une baisse de sens partout. Ça doit être la même affaire. Puis là, ben, on n'a pas de vedette locale. Ça aide pas non plus. Tu comprends? Ouais. C'est pas des vedettes GSP, locales. C'est sûr que Jourdain, Barrio, c'est pas. Ils sont là, mais c'est pas des vedettes. Là. Ben, c'est pas le poids que Georges avait, ça, c'est définitif. Là, Georges était la tête la plus connue là, au monde. Là. Hey! Question que j'oubliais. Valérie Letourneau, il se passe quoi avec? Es-tu en retraite? Non, il me semble qu'elle a signé il n'y a pas longtemps, j'avais vu passer ça, mais là, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais j'ai vu une couple de faits passer sur Facebook, il me semble qu'elle s'entraîne encore, peut-être encore là-bas, mais là, je voudrais pas. Je suis pas certain. Là. OK. Ben, Claude, il me reste qu'à te remercier de ta collaboration encore une fois en 2019. Très intéressant. C'est sûr que les arts martiaux mixtes depuis que Georges est parti, c'est plus difficile, mais t'es toujours là pour en parler. Puis merci beaucoup, je te souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, merci à toi aussi, Danny, puis bonne année 2020. Oui, Claude Perron, notre spécialiste des arts martiaux mixtes.